que gentleman, ne reste pas de glace. Serre-moi contre ton âme. Je relèverai tous les défis que tu me donneras et j'inventerai mille folies. Tu ne résisteras pas, non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Je te dis, non, non, non. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Que je te dis.